de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Julio Cortázar mesurait près de 2 mètres. Il avait un très beau visage, deux yeux clairs en amande, une bouche fine, un petit air d'Hemingway et à la fin de sa vie, une barbe à la Castro qui ne masquait pas des traits de jeune homme. Né à Bruxelles en 1914, arrivé à l'âge de 4 ans à Buenos Aires, il y vécut plus de 30 ans. Poète, traducteur notamment de Poe, professeur à l'université, il commença une carrière d'écrivain dans les années 40, peu de temps avant de s'installer en France, en 1951, pour fuir la dictature péroniste. Son œuvre se compose pour partie de récits brefs, des contes, comme il les appelait, d'inspiration fantastique. Ses recueils, parmi lesquels « Bestiaire »,« Fin d'un jeu », Chronobs et fameux, Le tour du jour en 80 mondes, ont été regroupés en France dans un beau volume de la collection Quarto de Gallimard, publié en 2008 sous le titre Nouvelles, histoires et autres contes. Et puis il y a les romans, et parmi eux, Marelle, le plus célèbre, qui parut en 1963. Il peut se lire de plusieurs façons. Ou bien, comme dans un livre classique, en commençant par le premier chapitre et en s'arrêtant au 56e. Ou bien en commençant par le numéro 73 et en suivant un ordre alternatif proposé par l'auteur. Quelques mois après la mort de Cortázar, en février 1984, Hubert Juin lui consacrait un documentaire dans lequel il donnait la parole à des proches, traducteurs et amis, qui tâchaient de dire l'identité d'une œuvre profondément singulière. Une vie, une œuvre, Julio Cortázar, première diffusion sur France Culture le 27 décembre 1984. Une vie. Une œuvre. Hoy. Julio. Cortázar. En una emisión anterior aludimos a lo que escribió Carlos Fuentes a propósito de Rayuela, afirmando que Cortázar había intentado, con esa novela, escribir un libro capaz de suplantar la vida, o bien de convertir nuestra vida en una vasta lectura. Une matinée proposée par Hubert Juin, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Vêtir une ombre. Le plus difficile est de la cerner. De savoir sa limite, là où elle rejoint la pénombre, au bord d'elle-même. La choisir parmi plusieurs, l'écarter de la lumière que tout ombre respire secrètement, dangereusement. Commencer à la vêtir d'un air distrait, sans trop bouger, sans l'effrayer ou la dissoudre. Opération initiale où le néant est tapis dans chaque geste. Les vêtements de dessous, le soutien-gorge transparent, les bas qui dessinent une montée soyeuse vers les cuisses, elle consentira à tout dans son ignorance momentanée, se croyant encore en train de jouer avec une autre ombre. Mais brusquement, elle s'inquiétera quand la jupe ceindra sa taille et qu'elle sentira les doigts boutonner le corsage entre ses seins, effleurer le cou qui s'élève et se paie en un sombre jet d'eau. Elle repoussera le geste qui la couronnera d'une crinière flottante à cheveux blancs. Oh, ce halo tremblant autour de ce visage inexistant. Et il faudra se hâter de dessiner la bouche avec la braise de la cigarette, de glisser bagues et bracelets pour lui donner ses mains avec lesquelles, de façon incertaine, elle résistera, tandis que les lèvres à peine émergée, murmure la plainte immémoriale de qui s'éveille au monde. Il manque encore les yeux qui vont naître des larmes, l'ombre d'elle-même se complétant pour mieux combattre, pour mieux se refuser. Inutilement émouvante quand le même élan qui l'habilla, la même soif de la voir émerger parfaite de l'espace confus, l'entourera d'une jonchée de caresses, se mettra à la dévêtir, à découvrir pour la première fois sa forme que vainement des mains et de prières elle tente de protéger. Cédant lentement à la chute, dans un éclat de bagues qui raye le noir de leurs lucioles humides. He gave me a lesson that I never had before. When he got through teaching me from my elbow down was sore, he bought my first cabin and he made it awful hard. He bought my first cabin and he made it awful hard. Then he put in the bacon, it overflowed the pot. When you get good loving, never go and spread the news. Gals will double cross you and leave you with them empty bed blues. Nous allons parler de quelqu'un que nous avons tous ici bien connu, bien aimé. Et il ne s'agit évidemment pas d'une émission mortuaire, je m'en voudrais. Nous allons parler de Julio Cortázar, parce que Julio Cortázar a laissé une œuvre, à mes yeux de Français, absolument considérable. C'est une œuvre qui, en France, est parfaitement assimilé, si je puis dire, qui fait partie maintenant de notre patrimoine littéraire, comme on dit pompeusement. Mais Julio Cortázar était aussi un homme. Enfin, tout ce que nous allons entendre de lui grâce aux documents de l'INA montreront ces extraits aux auditeurs que Julio Cortázar ne s'était pas réfugié dans une condition d'écrivain, alors même qu'il réclamait pour l'écrivain une position extrêmement haute, extrêmement importante. Il disait « il ne faut pas confondre ». Et il ne confondait pas. Je voudrais d'abord demander à Severo Sarduy de nous dire très simplement quel est son Julio Cortázar. Il change beaucoup. Il a beaucoup changé, bien sûr, le long du temps, le long d'un quart de siècle de fréquentation et de lecture. Il change constamment. Il a changé ce matin, par exemple. Je travaillais sur lui, je lisais sur lui, et une boutade m'est venue à l'esprit. Et je trouve qu'il faut commencer par une boutade, tout simplement, parlant de Julio, qui est la suivante. Le vrai sujet de la nouvelle ou du roman n'est pas dans la nouvelle ou dans les romans, n'est pas dans la matière de ce qui est écrit. Donc, mon Julio d'aujourd'hui est celui dont le vrai sujet, dont le vrai, la vraie matière est ailleurs, pas du tout dans le texte. Il a commencé par être un poète très exquis, très malarmiant, et il faisait des sonnets, et prêtant une attention extrême à la forme, presque décadent. Et puis il a volontairement un peu négligé ça, parce qu'il a soupçonné lui-même que le vrai sujet n'était pas là. Et tout à l'heure, je donnerai un exemple de ce vrai sujet, d'où il se trouve et de comment on arrive à ce vrai sujet qui n'est pas le sujet écrit. Je dirais que presque ce qui est écrit, qui est comme il le dit lui-même, une anecdote, quelque chose de banal, de quotidien, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Que tout est ailleurs et que le vrai volume, la vraie intensité, le vrai magnétisme est dans les marges et dans un autre côté. Cet autre côté, bon, je le vois d'une façon peut-être un peu sectaire, dans son premier contact avec l'Orient, avec le bouddhisme qu'il connaissait bien, et dans son obsession pour les labyrinthes, pour les mandalas, c'est le premier titre de Marel, ces mandalas, pour des structures qui aident à la pensée et à trouver son centre. Et j'ai déjà presque dit quel est le vrai sujet, c'est celui-là, de trouver son centre à partir des structures, des géométries qui aident à cette espèce de centrage, si on peut dire, du sujet. C'est là le vrai thème. Il y a beaucoup d'exemples qui seraient drôles à élucider en fonction de ce vrai sujet. Du sentiment de ne pas être là tout à fait. Je serai toujours un enfant pour bien des choses, mais un de ces enfants qui, depuis le début, portent en eux l'adulte, de sorte que lorsque ce petit monstre arrive à l'âge d'homme, il garde aussi l'enfant, lui. Et nel mezzo del cammino, on assiste à une coexistence fort peu pacifique entre deux ouvertures, au moins, sur le monde. Cela peut s'entendre métaphoriquement, mais cela désigne en tout cas un tempérament qui, pour prix de la vision adulte, n'a pas renoncé à la vision puérile. Et cette juxtaposition qui fait le poète, et peut-être le criminel, mais aussi le chronope et l'humoriste. Question de dosage, d'accentuation sur la pénultième ou l'antépénultième, de choix, tantôt je joue, tantôt je tue. Cette juxtaposition se manifeste dans le sentiment de ne pas être tout à fait là dans les structures et les toiles que tend la vie, et dans lesquelles nous sommes à la fois mouches et araignées. Beaucoup de mes écrits se placent sous le signe de l'excentricité, car je n'ai jamais admis de claire différence entre vivre et écrire. Si j'arrive, en vivant, à dissimuler cette participation partielle à ma circonstance, je ne peux, dans ce que j'écris, nier mon excentricité. J'écris précisément parce que je ne suis pas là, ou seulement à moitié là. J'écris par défaut, par déplacement. Et comme j'écris à partir d'un interstice, j'invite toujours les autres à chercher le leur, et à regarder par là le jardin, où les fruits sont bien entendu des pierres précieuses. Le petit monstre reste ferme à son poste. Cette espèce de constante ludique explique, si elle ne le justifie pas, beaucoup de ce que j'ai vécu ou écrit. On reproche à mes romans ce jeu au bord du balcon, cette allumette près de la bouteille d'essence, ce revolver chargé sur la table de nuit, une recherche intellectuelle du roman lui-même qui serait comme un commentaire continuel de l'action et souvent l'action d'un commentaire. Ça ne m'amuse guère d'avoir expliqué a posteriori que, tout au long de cette dialectique magique, un homme enfant lutte pour réussir le jeu de sa vie. Oui, non, tu chauffes, tu brûles. Car un jeu, à tout prendre, n'est-ce pas un processus qui part d'un déplacement pour parvenir à un emplacement, à une place. But, échec et mat, disent Daudet. N'est-ce pas l'accomplissement d'une cérémonie qui se déroule vers l'état final qui la couronne. Florence Delay, vous avez connu Julio Cortázar, mais vous avez beaucoup lu Julio Cortázar et vous en avez parlé. Alors je voudrais vous demander quelle est, comme lectrice, l'image globale que vous avez de l'œuvre de Julio Cortázar, de son tracé d'écriture. Globalement, il y a un livre qui me paraît donner la meilleure image vaste de lui. C'est un livre qui renverse le titre de Jules Verne et qui s'intitule « Le tour du jour en 80 mondes ». Ce que j'aime chez Cortázar, c'est cette œuvre qui est toujours un jour en 80 mondes. C'est-à-dire où on n'est jamais dans le lieu où on croit se trouver, on est dans le métro et vous arrive l'histoire la plus extraordinaire du monde, On est dans un café, on va rencontrer son double. Bref, il y a toujours cette espèce de largesse, d'ampleur. On n'est jamais à l'étroit, même si on est dans la chambre la plus pauvre, la plus misérable, la plus froide. Il arrive dans cette chambre quelque chose qui abat les cloisons et la rend une chambre dans l'espace. Alors, l'œuvre est très, très... Enfin, tout me semble s'enchaîner, que ce soit les nouvelles, les articles, les polémiques, la prose, le roman. Il y a, on reconnaît tout de suite une page de Cortázar. On reconnaît tout de suite parce qu'on pousse une porte, on croit tomber dans une pièce et on entre dans une campagne, dans une immensité comme ça. Dans une immensité en plus extraordinairement familière. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné dans cette œuvre, c'est sa non-pompe, son anti-noblesse, alors qu'elle est la noblesse même en fait. Mais elle déteste le sérieux. Le sérieux qui a été tellement à la mode, la parole affirmative ne se contredisant jamais. Il se contredit tout le temps. Et il y a une sorte de gaieté, de vitalité à cela, qui fait que c'est une œuvre au moins éthique. Dans une interview qu'il accordait à notre chaîne en 1976, Julio Cortázar expliquait son rapport fondamental avec le fantastique. Et voici ce qu'il disait. Je crois que je n'ai jamais recherché le fantastique. Je l'ai trouvé parce que dès ma plus jeune âge, de mon enfance, j'ai vécu dans un monde où les limites entre ce qu'on appelle réel et ce qu'on appelle fantastique n'étaient pas claires pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de fantastique quotidien dans la maison de mon enfance, dans ce que je voyais, ce que je ressentais tout le temps. Et je me rappelle très bien qu'une de mes premières expériences pénibles d'enfance, ça a été le fait que, quand j'allais à l'école primaire et je parlais avec mes camarades, que j'aimais bien d'ailleurs, je m'ai heurté à un mur d'incompréhension et de méfiance dès que je me mettais à leur signaler des choses qui pour moi étaient tout à fait évidentes. Je ne sais pas d'où me venait à moi cette espèce de lucidité spéciale, de façon de m'approcher au monde d'une façon différente, par des biais différents. C'était peut-être une question de chromosomes ou de gènes. La seule chose que je peux vous dire, que pendant mon enfance, j'ai eu toujours une espèce de complicité attendrie de la part de ma mère, par exemple, qui est une femme d'une grande sensibilité, d'une grande imagination, et que, sans me pousser du tout dans cette direction-là, quand même était la seule à essayer de comprendre certaines réactions que j'avais face à la réalité quotidienne. Elle se rendait parfaitement compte que j'étais un enfant qui traversait certaines portes que d'autres enfants ne traversent pas habituellement. Et alors, il est assez normal qu'arrivé à l'adolescence, c'est-à-dire à l'âge où j'ai senti que ma véritable vocation était celle d'écrire, cette charge de fantastique qu'il y avait déjà en moi, cette fréquentation, cette familiarité avec ce qu'on rejette en général pour le trouver illogique ou absurde ou inquiétant, se soit tout de suite manifesté dans mon écriture. Il est évident que si on commence par accepter le fantastique, c'est une façon de lui ouvrir la porte. Alors lui, il vient. Dans ce sens-là, on ne le recherche pas, mais on l'invite. Et je crois que j'ai passé ma vie à inviter le fantastique à entrer. Et il l'a fait souvent. C'est tous les débuts de mes nouvelles, de mes contes, se basent toujours sur un petit épisode quotidien qui en soi pourrait pas n'avoir beaucoup d'importance et qui laisserait indifférent d'autres personnes à qui ça pourrait advenir. Et cependant, dans mon cas, ce petit épisode met en marche ce qu'on pourrait appeler l'irruption du fantastique. Et alors à ce moment-là, je suis une fois de plus en terrain familier, et ce que j'écris, c'est un peu comme si on me le dictait. Vous savez, c'est pas un paradoxe ni une fausse modestie, mais si bien je crois être l'auteur de mes romans, je suis pas très sûr d'être l'auteur de mes nouvelles. J'ai eu toujours l'impression qu'en les écrivant, j'étais un médium et quelque chose passait à travers moi. J'écris la plupart de mes contes, par exemple, sans avoir aucune idée de comment ils allaient finir. Le conte arrive à sa fin par un mécanisme de autocréation dans lequel je suis le premier lecteur. Le quotidien quotidien. Un monsieur prend l'autobus après avoir acheté le journal et l'avoir mis sous son bras. Une demi-heure plus tard, il descend avec le même journal sous le même bras. Mais ce n'est plus le même journal. C'est maintenant un tas de feuilles imprimées que ce monsieur abandonne sur un banc de la place. À peine est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal, jusqu'à ce qu'un jeune homme le voie, le lise et le repose, transformé en un tas de feuilles imprimées. À peine est-il seul sur le banc que le tas de feuilles imprimées redevient un journal, jusqu'à ce qu'une vieille femme le trouve, le lise et le repose, transformé en un tas de feuilles imprimées. Elle se ravise et l'emporte, et chemin faisant, elle s'en sert pour envelopper un demi-kilo de blettes. Ce à quoi servent tous les journaux, après avoir subi ces excitantes métamorphoses. Je me souviens d'une promenade avec Giulio Cortázar dans mon quartier, quand mon quartier en était encore un, c'est-à-dire quand il y avait encore les Halles de Baltard et qu'il n'y avait pas encore le centre Pompidou. Et il écrivait Marelle. Et alors, nous sommes promenés, il y avait encore le marché aux fleurs devant les pavillons Baltard. Nous avons été jusqu'à la rue du Caire, le passage du Caire, nous sommes revenus par le Marais. Je pense bien connaître mon quartier. J'avais vu, effectivement, une fois ou l'autre, comme ça, des fillettes dessiner une marelle à la craie sur un bout de trottoir. Alors cet après-midi-là, d'une façon extraordinaire, nous en avons découvert 5. Il y avait tout d'un coup cette espèce de suscitation, cette dérive vers le fantastique. Oui. Parce que ça, il assiste beaucoup, il ne fait pas du fantastique volontaire, mais comme ça, les choses apparaissent ou dévient. Et il y a quand même ce partage du monde. Et c'est vrai qu'en lisant Le Tour du jour en 80 mondes, qui est un livre clé, un livre essentiel de Giulio Cortázar, bute sur un mot. Enfin, le lecteur peu averti bute sur un mot qui est le mot chronope. Est évident que Giulio Cortázar fait un partage du monde. Ah oui, en deux, absolument. Il y a les chronopes. Oui. Donc, ils sont les gens très bien, et qui ont, effectivement, sont posés de biais par rapport au monde, de tout le monde. Et alors, il y a les fameux. Alors, les fameux, ça, ce sont les gens qui veulent, qui ont un attaché caisse, qui courent après la Légion d'honneur, qui veulent évidemment être établis. Les nantis, en fait. Et il y a aussi le partage du monde. Alors, c'est un second partage, qui est le partage politique. Mais il ne faudrait pas oublier que Giulio Cortázar est argentin. Dans une émission que lui ont consacrée Ramón Chao et Adelaida Blázquez, émission qui a reçu cette année le prix international d'Espagne, Giulio Cortázar disait « Tous les pays latino-américains ont eu besoin de tuer l'Espagne dans le sens freudien, comme un adolescent doit tuer ses parents symboliquement pour acquérir son identité, pour se lancer dans le monde comme un individu et non pas comme un enfant de papa et maman. Mais c'est un meurtre symbolique. Précisément pour ça, quizá. C'est à mucho peor que un buen martillazo en la cabeza. Que c'est pire qu'un coup de marteau Pero, sur la tête. Ese asesinato, mais que ce meurtre qui s'accomplit freudiennement pour que les adolescents deviennent indépendants de leurs parents, dans les peuples, c'est tout à fait parallèle. Il est nécessaire de tuer Symboliquement, le pays qui t'a conquis, qui t'a colonisé, qui a été ton père et ta mère, pour s'ouvrir à une nouvelle vie. L'aspect positif, c'est le suivant. De la même manière qu'un adolescent qui a tué bien ses parents, comme un torero peut tuer bien, à partir de ce moment, il peut revenir vers ses parents et les regarder dans les yeux recommencer une relation directe, sans la dépendance, sans la tyrannie, sans se sentir l'enfant face à ses parents. De la même manière, je comprends que si les peuples latino-américains ont tué l'Espagne symboliquement, on est en train maintenant de les regarder en face. On est en train d'établir un dialogue beaucoup plus direct, beaucoup plus franc, que nous ne pouvions pas avoir avant. Je le note chaque fois que je vais en Espagne, quand j'étais plus jeune, je considérais l'attitude paternaliste des intellectuels espagnols qui étaient atterrés devant notre façon de parler. Nous-mêmes, nous avons été très critiques quand nous avons tué l'Espagne. Mais cela ne nous importe plus que les Espagnols maintenant prononcent Madrid avec un Z ou avec un D. Car en fait, c'est à travers le langage que les liens d'amitié et de compréhension s'établissent. Alors là, je voudrais demander un autre Argentin, Cronop, Hector Bianchetti, son sentiment. Oui, je crois que c'est la seule chose qui ont en commun le pays de l'Amérique latine, la langue. C'est déjà très important, mais je crois aussi que les frontières et l'étranger existent. Existent même à l'intérieur du même pays. Par exemple, en Argentine, je dirais que dans ce pays de 26 millions d'habitants, et dont la capitale réunit 11 millions, déjà, il y a Buenos Aires et il y a l'Argentine. Julio n'est pas un Argentin de la plaine. Julio est un Argentin de Buenos Aires. Un Argentin de la ville, d'une ville immense, de cette ville qu'un jour Drieu a traversée en compagnie de Borges et sorti et a touché les dernières banlieues. Et là, dans la dernière banlieue, il a trouvé que la ville s'est défaissée en plaine et que la plaine était en vertige horizontal. N'est-ce pas? Et je crois que Julio est typiquement argentin. D'une certaine manière, il n'est pas sorti de Buenos Aires. C'est typiquement argentin parce qu'il y a une façon, ou il y avait en tout cas une façon d'être argentin qui consistait à ne pas vouloir l'être tout à fait. C'est-à-dire que Julio avait puisé, comme Borges, comme Bioy Casares, comme Silvino Campo, comme beaucoup d'écrivains argentins, dans une sorte de bibliothèque un peu internationale. Sa culture était faite bibliothèque internationale, et par parenthèse, je veux dire qu'un des textes fondamentaux pour comprendre l'œuvre de Julio, c'est la très longue préface qu'il a faite à sa traduction des contes d'Edgar Allan Poe. Oui, c'est exact. Donc, Julio, quand il a quitté l'Argentine en 51, vous savez, les années 50, les premières années 50, c'était les dernières années de la dictature de Perón, ont été quelque chose que les Européens ne s'imaginent pas à quel point était atroce dans la vie quotidienne, à quel point la police était omniprésente dans tous les coins de la vie quotidienne. Ce n'est pas, c'était au-delà de dictatures européennes, par exemple de Franco, c'était une dictature minutieuse, c'est-à-dire une infamie mineure de chaque minute, c'est-à-dire on sortait dans la rue, on regardait à droite et à gauche parce qu'on reconnaissait déjà les policiers civils. Bon, Julio a quitté ces pays. Et par parenthèse encore, je dis que dans la traversée, pendant la longue traversée en bateau, il a traduit en grande partie les mémoires d'Andrien de Marguerite Yourcenar. Et puis il s'est installé à Paris. Paris est une seconde patrie pour les Argentins, c'est-à-dire c'est la patrie un peu idéale, en tout cas des intellectuels argentins, où elle l'était, parce que c'est un pays qui est devenu, je crois, très nationaliste. Et être à Paris ne signifiait nullement pour lui être moins argentin. c'était une forme d'être argentin comme une autre. Et il y a aussi le fait qu'il avait une sorte de passion en Argentine, qu'il cultivait par exemple la langue populaire. Et il lui est arrivé, quand il est rentré à Buenos Aires, après une très longue absence, de trouver des mots d'argot qu'il ne connaissait pas. Au fond, il lui arrivait, et c'était un peu un drame pour lui, il m'avait dit, d'écrire dans le langage parlé, parfois introduire littérairement le langage parlé argentin, et se rendre compte qu'il avait écrit déjà un langage qui était littéraire, dans le sens qu'il était dépassé par un autre parler populaire, par ces mots éphémères qui ont toujours les argots. Voilà pour l'argentinité de Julio Cortázar. Dans, disons, la totalité de ce que j'aime en musique, il y a certaines constantes, dont le tango, qui est pour moi beaucoup plus qu'une musique, puisque c'est un peu la définition de la vie sentimentale d'un Argentin. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. Vous savez très bien à quel point, Marcel Proust l'a montré mieux que personne, à quel point une musique contient une charge extra-musicale dans le souvenir, dans le passé. Alors, un tango déclenche en moi un retour en arrière, parfois brutal, parfois tendre. Vous savez que les gens de Buenos Aires, quand ils écoutent les disques de Gardel à la radio ou chez eux, et ça fait, je sais pas, 35-40 ans qu'il est mort, chaque fois qu'ils écoutent un disque, ils disent, chaque jour, ils chantent mieux. Un pobre suesco en el gozán, siempre sollosa una pena. C'était un jeune homme plutôt mince, assez beau, aux dents blanches, dont les belles de Paris se disputaient les faveurs. C'était Carlos Gardel. Ces tangos déchirants qu'il chantait avec conviction envoûtaient le public sans qu'on sût bien pourquoi. Ces chansons d'alors, Caminito, La Chacarera, Aquel Tapao de Arminio, Queja Indiana, Entre Sueños, n'étaient pas des tangos modernes, mais de vieilles chansons de l'Argentine, reflétant l'âme pure du gaucho des Pampas. Carlos était à la mode. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte. À cette époque, il y avait à Paris un cabaret appelé le Palerme, rue de Clichy, fréquenté presque exclusivement par des Sud-Américains. C'est là que je le rencontrais. Carlos s'intéressait à toutes les femmes, mais moi je ne m'intéressais qu'à la cocaïne et au champagne. Il est vrai que cela flattait ma vanité de femme d'être vue à Paris avec l'homme du jour, l'idole des femmes, mais mon cœur était muet. Vint une longue période d'intimité romantique. Cet homme commençait à me faire battre le cœur. Ses paroles étaient douces comme du miel. Ses phrases minaient peu à peu le roc de mon indifférence. Je devins folle de lui. C'était mon premier amour. Il faudrait rajouter peut-être ceci, ce qui m'a beaucoup frappé, enfin, chez lui. Comme vous savez, il avait demandé plusieurs fois sa naturalisation. Elle lui a été accordée en 1981 seulement. Il avait demandé deux fois auparavant. Il voulait être français, parce que ce qui ne l'empêchait pas de rester argentin, puisque telle est la loi d'accord entre les deux pays. Mais il voulait être français pour pouvoir, et ça m'a toujours frappé, s'occuper aussi des histoires politiques à l'intérieur de ce pays dans lequel il vivait, et qui était à ce moment-là la France, et principalement Paris. Donc ce souci, quand même, je voudrais qu'on s'en explique un peu, parce que à lire les œuvres uniquement de Julio Cortázar, on pourrait penser, bon, ce que, comme Borges, enfin, il n'y a pas un engagement tellement perceptible dans ses écrits. Ou en tout cas, on ne découvre cet engagement dans ses écrits que si l'on sait qu'il est engagé. Et il est engagé, bon, moi je me souviens de ses voyages à Cuba, par exemple, avec Italo Calvino, il faisait partie du grand jury. Oui, de la Casa de las Américas. C'est ça. Et ensuite, bon, quand il était malade, à la fin, son souhait, je crois le dernier, était de dire quand je serai guéri, puis il n'avait pas de, qu'il était atteint avec une telle gravité, quand je serai guéri, écrivait-il au Nicaragua, je vais à Managua. Tout de suite, c'était un de ses derniers vœux. Alors, Severo Sarduy, sur ce plan quand même politique, puisque nous disons. Moi, je trouve que le vrai engagement comme ça, et l'engagement qui a finalement traversé toute son œuvre depuis le début jusqu'au dernier texte, qui sont très émouvants, c'est effectivement cette recherche, enfin, ce côté, je dirais, presque rituel, et presque, je vais employer un mot, presque religieux, de la quête de soi qu'il y a dans son écriture, ce qui est finalement aussi très argentin, je ne peux pas dire pourquoi, mais cette espèce de détachement de soi, de quête d'une identité au sens le plus fort du terme, mais très argentin aussi, et c'est ça, je trouve, qui traverse toute son œuvre, de là peut-être, de là, ou branché à là, les côtés, si on peut dire, fantastiques. Effectivement, il y a des noyaux, des régions, des anecdotes, des détails qui peuvent se dire politiques, qui peuvent se dire reliés directement à, bien sûr, au Nicaragua, à Cuba, mais le vrai engagement est ailleurs. Le détail politique qui est important, mais effectivement, ça fait comme un archipel, comme des îlots à l'intérieur d'un texte beaucoup plus vaste qui est cette quête du sujet, en somme. C'est ce que je vois. Dans un entretien à France Culture, en 1976, Julio Cortázar. Il est très fréquent qu'on vous dise qu'un écrivain engagé doit s'adresser aux masses, doit écrire d'une façon simpliste et populiste pour que tout le monde puisse le comprendre. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue-là. Je crois qu'un grand écrivain peut être un grand écrivain populiste et arriver à des grandes masses de lecteurs. Je suis heureux pour lui et pour les lecteurs. Mais il se passe qu'il y a d'autres écrivains, et ce serait mon cas, qui ont toujours travaillé sur un plan d'expérimentation. Ce qu'on appelle avant-garde, si vous voulez. C'est-à-dire en ne pas profitant des choses acquises, mais essayant toujours de nouvelles bifurcations, de nouvelles expériences. Bien sûr, chaque fois qu'on fait une nouvelle expérience, il y a un décalage entre l'expérience et le temps de compréhension de la part du public. Et de là le reproche d'hermétisme que très souvent on me fait moi dans certains secteurs de l'Amérique latine et contre lequel je reste absolument indifférent parce que je connais quel est mon engagement et je suis assez responsable pour agir personnellement comme il le faut dans le problème historique latino-américain et en même temps ne pas céder d'un pouce sur le terrain littéraire. Je crois que ma littérature vaut ce qu'elle vaut qu'elle est déjà comprise par une énorme quantité de lecteurs en Amérique latine et que le resto viendra une génération après. Ça, c'est bien éthicos, comme on dit ici pour ceux de Costa Rica. Ne parle pas beaucoup, mais il te réserve des surprises. Tu arrives à San José, et qui est-ce que tu trouves à l'aéroport? Carmen Najandro, Samuel Rovinsky et Sergio Ramírez, qui est nicaraguayen, lui. Mais quelle importance, au fond, c'est pareil. Quelle importance que je sois, moi, argentino. Je devrais dire Tino, par gentillesse, et pour les deux autres, Nicas ou Ticos. Faisais une de ces chaleurs, et pour tout arranger, conférence de presse aussi sec, avec les questions rituelles, pourquoi tu ne vis pas en Argentine? Pourquoi Blow-up était-il si différent de ta nouvelle? Penses-tu qu'un écrivain doive être engagé? Ce stade-là, je me dis qu'à la porte de l'enfer, je ne couperai pas une dernière interview. Mais si par hasard c'était du côté de Saint-Pierre, ce serait du pareil au même. Trouvez pas que là-bas, vous avez écrit de façon trop hermétique pour le peuple? Je me demande, Laure Bataillon, si nous ne devons pas revenir à cette notion de partage entre chronope et fameux. Finalement, est-ce que l'engagement politique de Julio Cortázar, qui effectivement, comme l'a dit Severo Sarduy, se voit effectivement à la façon d'un archipel, c'est-à-dire oui, des c'est affleurements ici, voir, ici oui. ou là, s'il n'est pas plus radical, justement, au niveau de cette différence très pataphysique, hein, parce qu'enfin, nous n'avons pas encore dit qu'il y a un aspect pataphysique chez Julio Cortázar, et qu'il y a aussi, chez Julio Cortázar, dans ses textes, une pratique de l'humour. Préambule aux instructions pour remonter une montre. Pense-y bien. Lorsqu'on t'offre une montre, on t'offre un petit enfer fleuri, une chaîne de roses, une geôle d'air. On ne t'offre pas seulement la montre. Joyeux anniversaire, nous espérons qu'elle te fera de l'usage. C'est une bonne marque, suisse, à ancre, à rubis. On ne t'offre pas seulement ce minuscule pied vert que tu attacheras à ton poignet et promèneras avec toi. On t'offre, on l'ignore, et le plus terrible c'est qu'on l'ignore. On t'offre un nouveau morceau fragile et précaire de toi-même, une chose qui est toi, mais qui n'est pas ton corps, qu'il te faut attacher à ton corps par son bracelet, comme un petit bras désespéré agrippé à ton poignet. On t'offre la nécessité de la remonter tous les jours, l'obligation de la remonter pour qu'elle continue à être une montre. On t'offre l'obsession de vérifier l'heure aux vitrines des bijoutiers, aux annonces de la radio, à l'horloge parlante. On t'offre la peur de la perdre, de te la faire voler, de la laisser tomber et de la casser. On t'offre sa marque et l'assurance que c'est une marque meilleure que les autres. On t'offre la tentation de comparer ta montre aux autres montres. On ne t'offre pas une montre. C'est toi le cadeau. C'est toi qu'on offre pour l'anniversaire de la montre. Si on devrait le définir d'un mot, parce que je pensais qu'est-ce que je vais dire dans cette émission. Bon, vraiment, le mot clé, c'est humour, rire. C'est un rire. D'ailleurs, je trouve que nous sommes excessivement sérieux pour parler de quelqu'un qui vraiment riait. C'est rire est un rire qui démolit tout. C'est ça, l'engagement est là. L'engagement est là. C'est rire, plutôt le sourire du chat de Lewis Carroll. Oui, ou même un éclat de rire parfois. Oui, aussi. Parce qu'il faisait rire. Moi, je me rappelle des passages dans Marelle où, en le traduisant, j'attrapais de véritables fous rires. Et le côté comique de Cortázar, on l'a pas souvent souligné. Tante en difficulté. Pourquoi donc notre tante a-t-elle si grand peur de tomber en arrière? Ça fait des années que la famille essaie de la guérir de son obsession, mais il nous faut bien avouer un insuccès total. Nous avons beau dire et faire, notre tante a peur de tomber sur le dos, et son innocente manie nous dérange tous, à commencer par mon père, qui l'accompagne partout fraternellement, et surveille le carrelage, pour que tante puisse avancer sans souci, tandis que ma mère s'évertue à balayer la cour plusieurs fois par jour, que mes sœurs ramassent leurs balles de tennis, que mes cousins effacent toute trace imputable aux chiens, chats, tortues et poules qui prolifèrent dans la maison. Mais ça ne sert à rien. tante ne se résout à traverser les pièces qu'après mille hésitations, interminables prospections oculaires et remontrances emportées à tout enfant qui s'aviserait de passer à ce moment-là. Après quoi elle s'ébranle, appuyant d'abord un pied et l'agitant, comme un boxeur dans la caisse de résine, puis l'autre, transportant ainsi son corps en une progression qui, dans notre enfance, nous paraissait majestueuse, et mettant plusieurs minutes pour aller d'une porte à l'autre. C'est quelque chose d'horrible. Ma famille a essayé plusieurs fois de faire s'expliquer tante sur cette peur de tomber sur le dos. La première fois, nous fûmes reçus par un silence à couper à la faux. Mais un soir, après son petit verre de liqueur à l'orange, tante consentit à insinuer que si elle tombait sur le dos, elle ne pourrait plus se relever. À l'observation élémentaire que 32 membres de la famille étaient tout prêts à se précipiter à son secours, elle répondit par un regard languissant et ce seul mot « n'empêche ». Quelques jours plus tard, le soir, mon frère aîné m'appela à la cuisine et me montra sous l'évier un cafard tombé sur le dos. Sans rien dire, nous assistâmes à ces vains et terribles efforts pour se remettre d'aplomb, tandis que d'autres cafards, malgré leur peur de la lumière, circulaient dans le coin et frôlaient celui qui gisait en position de décubitus dorsal. Nous allâmes nous coucher avec une certaine tristesse. Et pour une raison ou pour une autre, plus personne n'interrogea tante là-dessus. Nous nous bornâmes à lui faciliter les choses dans la mesure du possible, en l'accompagnant partout, en lui donnant le bras et en lui achetant quantité de chaussures à semelles antidérapantes et autres dispositifs stabilisateurs. Et la vie continua ainsi, pas pire que bien d'autres, d'après tout. Pour revenir à ce que disait Severo Sardoui, je pense qu'il y a dans son engagement politique deux choses. Il y a ce qu'il a magnifiquement appelé dans Marel la quête du kibbutz, du désir. Oui, oui. C'est, au fond, cette ville idéale, mandala aussi, oui. En un certain sens. Mais je crois aussi qu'il n'a jamais hésité à payer très durement de sa personne. Et de son corps. Oui. Parce que vraiment, les dernières fois où il est allé au Nicaragua, qui est la dernière grande aventure généreuse pour lui, en laquelle il croyait, il tenait à peine debout à la fin. Ça, oui. Il faut le dire, donc, je crois. Et alors, ça m'étonne un peu ce que vous dites, parce que en 68, j'ai beaucoup parlé avec des jeunes 68ards d'alors. Et pour eux, il y avait un livre qui était une référence suprême et qu'ils citaient, qu'ils avaient sous le bras. C'était le livre de Manuel. C'est incroyable, bien sûr, ils en savaient des passages par cœur et ils pensaient que ça rejoignait tout à fait le sens de mai 68 parce qu'on y faisait un pas de côté. Ce fameux pas de côté, justement, qui relève de l'humour, qui relève du jeu. Et de la marge où tout se passe. De la marge. De la marge absolument. Où tout se passe. Ça, je absolument. Crois que c'est ça, qu'il faut le voir un peu, je dirais, en anamorphose, des biais, des côtés. Sa lecture n'est pas frontale. C'est quelque chose qui se passe. Oui, c'est très Rio de la Plata, effectivement, très dans la tradition argentine, où effectivement, bon, comment on voit cette argentinité, comment on voit ce qu'on pourrait dire l'être argentin, eh bien, justement, c'est si qu'on ne les voit pas, qu'ils citent l'autre monde, qu'ils sont absolument imbibés d'une culture européenne, qu'ils ont tourné vers ici, eh bien, c'est ça, justement, une des modalités d'être argentin. Cette espèce de pudeur, de manque total de détails, si on peut dire, sur les pays visibles. Ah oui, tout de même. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais française. Je voudrais ajouter quelque chose à la réflexion d'Hector Bianchotti. Effectivement, il était très... Lautréamont et Pau ont compté extraordinairement pour lui. Mais il me parlait aussi sans cesse... Et il me les a fait connaître de Felisberto Hernández et de Macedonio Fernández. Et je dirais de Lezama à la fin. Et de Lezama à la fin. C'était capital. Absolument. Je crois que c'est une référence capitale dans absolument. Sa vie. De Lezama. D'ailleurs, je fais remarquer que dans le tour du jour en 80 mondes, qui est encore une fois un livre clé, enfin, bien sûr, le chapitre le plus long, Et ce film qui est consacré à Les Amants. À Les Amants. Ah, oui. Bien sûr. Oui. Et c'est très important parce qu'on rejoint les chronopes, parce qu'il dit, il y a quelques livres comme ça. Alors, il cite L'homme sans qualité. Oui. Oui. Il cite Ulysse de Joyce. Il cite Paradisio. Oui. Et moi, je pense qu'il aurait pu citer Marel. Elenius s'assied au piano, toute la salle s'assied avec lui et produit un murmure collectif à la mesure de son soulagement, parce que l'avancée diagonale de Elenius sur la scène tient un peu du cabotage phénicien, toujours menacé d'échouer dans les Sirtes, et lorsque la nef de miel noir avec son capitaine barbu arrive au port, c'est le quai maçonnique du Victoria Hall qui la reçoit avec un soupir comme d'elle apaisée, de jeter atteinte. Et c'est alors Panonica ou Blue Monk, trois ombres comme des épis entourent l'ours qui explore les ruches du clavier, allant et venant parmi les abeilles déconcertées et les hexagones du son. Il s'est à peine écoulé une minute que nous sommes déjà dans la nuit, hors du temps, la nuit primitive et délicate de Thelonious Monk. Florence Delay, il existe peut-être un massif à l'intérieur de l'œuvre de Julio Cortázar, on pourrait dire une trilogie. Voilà, il s'est passé la chose suivante, il a écrit des contes, des nouvelles, et il a attendu très longtemps avant de se lancer dans un roman. Or ce roman qui a paru dans les années 60 a été à mon avis aussi important dans la littérature latino-américaine que dans les années 50, La vie brève de Juan Carlos Onetti. Les années 60 ça a été les années Marel, puis ensuite... sont venus les Samalima et les grands autres. Mais Marel marque un tournant, d'abord parce que c'est un des très grands romans d'Amérique latine, et tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau en ce sens que d'abord, c'est un roman qui joue. Son titre l'indique. D'ailleurs, il avait... Et il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi. Un mode d'emploi moins compliqué que ce de Pérec. Mais... C'est avant. C'est avant. Oui, oui, bien sûr. Et puis, le choix même du titre Marel, alors qu'il avait pensé à mandala, à des choses plus mystiques, orientales, montrait aussi l'importance pour lui d'un jeu plus simple, d'un jeu qui pouvait être pris à tous les niveaux. Effectivement, Marel, on peut le lire, comme il l'indique au début, comme un lecteur femelle, c'est-à-dire passivement, en suivant les chapitres et en s'arrêtant à telle page. Et puis, on peut le lire comme un lecteur actif, et d'ailleurs cette distinction est à l'intérieur même du livre, c'est-à-dire en sautant et brusquement en faisant des recoupements tout à fait extraordinaires et différents de la première lecture. Moi j'ai commencé par lire Marel... Normalement. Et ensuite ça a été merveilleux de découvrir à l'intérieur de Marel un autre roman. Alors Marel évidemment est un grand livre en plusieurs sens. D'abord parce qu'il met en scène des personnages merveilleux. Je crois que Cortázar est un des écrivains qui fait le plus aimer les femmes. Il y a dans Marel un personnage de femme qu'il surnomme la Sibylle et qui est la poésie, la géniosité, qui donne envie d'aimer. Quant à ça, d'ailleurs, est un écrivain qui donne envie de... Oui, mais est-ce que le passage de ce titre, j'y reviens, entre Mandala et Marel n'indique pas aussi ce besoin du recours à l'enfantin chez Cortázar. Ce qui est une forme de l'amour évident, enfin de l'amour du monde, de l'amour des femmes, enfin bon, et de l'amour des enfants. Alors Mandala devait lui paraître exactement quand même trop intellectuel. Très juste. Et Marel, non, c'est vrai, c'est écrit à la craie sur un trottoir. C'est vrai, il y a le goût de l'enfance qui passe des adultes aux vieilles personnes, c'est tout le temps là. Je veux dire, les petits personnages, les animaux qui passent, je pense à la création des Chronopes dans d'autres... Dans des jeux, il y a un côté enfantin, mais le côté enfantin des commencements, c'est le côté des commencements, comme les contes des chevaliers de la Table Ronde sont enfantins, comme c'est les débuts. Et avec Cortázar, on a l'impression toujours que les commencements ne sont pas loin. C'est quelqu'un même qui ne donne jamais l'impression d'être un adulte fixé. Il bouge. J'étais très frappé quand je l'ai rencontré. J'ai rencontré, c'était quand même un homme de, je pense, il avait déjà 50 ans, parce que j'étais tout à fait surpris en son âge. Je suis tombé devant un lycéen qui quittait son lycée. Enfin, je veux dire, même physiquement, avant qu'il ne porte la barbe. Enfin, c'est ça. On avait vraiment l'impression de l'adolescent. Enfin. Il avait la maladie d'être un jeune homme éternel. Oui, c'est ça. Voilà. Et je crois que c'est une très belle maladie qu'on sent à l'œuvre. Alors, pour revenir aux trois livres, à cette fameuse trilogie, Marel a été tout de suite senti comme un livre extraordinairement riche, passionnant, et il jouait aussi sur le problème de l'océan, de la séparation entre l'Argentine et Paris, et où tout se passait en double, au fond, en même temps à Paris et entre l'Argentine. Il y avait des personnages inoubliables dedans, des conversations à bâtons rompus, ces merveilleuses conversations. On a l'impression d'être au café avec eux, ou en train de discuter, en train de boire du punch et d'écouter du jazz. Il y a une façon de vous accueillir dans les pages qui est tout à fait étonnante. Et puis alors, à partir du fameux chapitre 62, où le personnage de Morelli, l'écrivain, qui est un personnage que le groupe des personnages du livre admire énormément et dont ils discutent sans cesse, à partir de ce chapitre 62, une théorie s'installe dans son esprit sur laquelle il échafaude son deuxième livre, qui est 62, à cause de ce chapitre, Maquette à monter, et qui reprend cette idée du puzzle, c'est-à-dire au lecteur de comprendre l'énigme. Donc le grand jeu continue. Mais alors, il y a pire, c'est qu'il va continuer sur du politique avec le troisième livre, qui est le livre de Manuel, livre qui va être très discuté, que les communistes détesteront. Enfin, je rappelle un article terrible dans l'Humanité sur ce livre, et qui, moi, était un livre qui m'avait bouleversé, car c'était un livre tout à fait présent, en ce sens qu'il montrait un groupe d'Argentins, ou de Latino-Américains plus exactement à Paris, qui préparait un attentat, et que cette préparation d'un attentat contre des policiers d'Amérique latine, enfin, à solde divers. Dictateurs. De divers dictateurs. Cet attentat était présenté comme une chose merveilleuse. Et ces personnages étaient des personnages qu'on aurait immédiatement protégés, aidés, soutenus. Et évidemment, ils prenaient un grand risque, là. Ils prenaient un grand risque et, avec une espèce de vaillance et d'humanité qui fait que le livre de Manuel est resté un grand événement personnel pour moi. Pero más adelante, cuando llegué aquí a Europa, quand je suis arrivé en fue Europe, ese momento en que entré, digamos, vamos a usar la expresión, en una dimensión disons, histórica, dans une dimension historique qui m'avait complètement entonces, échappé. Ese fue, digamos, mi camino et de Damasco. Ce fut ma traversée du désert. Je suis tombé de cheval. Un éclair m'est tombé dessus. Et brusquement, j'ai senti ma responsabilité comme écrivain. Éminde. Top patatine. La maladie del comato, et la satine al rute, et la mantille la sedine. Les livres doivent se défendre tout seuls, et celui-là le fait comme un chat qui se roule sur le dos toutes les fois qu'il le peut. Je veux simplement ajouter que son ton général, qui va à l'encontre d'une certaine conception de la façon dont on doit traiter ces thèmes, est aussi éloigné de la frivolité que de l'humour gratuit. Je crois plus que jamais que la lutte pour le socialisme en Amérique latine doit affronter l'horreur quotidienne avec la seule attitude qui un jour lui donnera la victoire, en gardant précieusement, jalousement, la capacité de vivre telle que nous la souhaitons pour ce futur, avec tout ce qu'il suppose d'amour, de jeu et de joie. L'image bien connue de la jeune nord-américaine qui offre une rose aux soldats baïonnette au canon ne cesse pas d'être un exemple de la distance qui nous sépare, l'ennemi et nous. Mais qu'on se garde d'interpréter cette rose comme un signe platonique de non-violence, d'espoir ingénu. Il y a des roses blindées, comme les a vues le poète. Il y a des roses de cuivre, comme les a inventées Roberto Arlt. Ce qui compte, ce que j'ai essayé de raconter, c'est le geste affirmatif face à l'escalade du mépris et de la peur, et cette affirmation doit être la plus solaire, la plus vitale de l'homme, sa soif érotique et ludique, sa libération des tabous, son exigence d'une dignité partagée sur une terre libérée de l'horizon journalier des crocs et de dollars. Quand même une chose à propos de cet engagement politique pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est-à-dire qu'il était engagé, je sais qu'il donnait l'argent, une grande partie de l'argent qu'il gagnait à la cause sandiniste au Nicaragua, par exemple dans les derniers temps, mais il y a des textes fondamentaux de Julio où il dit que la littérature est une chose et l'engagement politique personnel c'est autre. C'est-à-dire qu'il n'est jamais tombé dans les énormes bêtises de Sartre. Il était plutôt du côté de Vittorini. C'est-à-dire qu'il croyait, comme Vittorini, que l'écrivain, la littérature, grâce à une chose aussi banale qu'un adjectif ou un adverbe, peut approcher la vérité là où tous les raisonnements et tous les engagements ne peuvent pas. Le style est une résistance. Il distinguait entre une écriture et l'engagement. Absolument. C'est-à-dire, je pense que, peu que pour lui, s'engager, ce n'est pas écrire peuple. C'est au contraire faire que le peuple puisse monter. C'est-à-dire, c'est toujours ce problème. Où est la démocratie, n'est-ce pas? Parce que la démocratie, l'acte démocratique consiste à descendre pour se faire entendre, ou bien est-ce que l'acte démocratique consiste à faire monter pour être entendu. Je pense qu'il posait ce problème absolument clairement et que pour lui, il l'a résolu sans ambiguïté. Et surtout, je dirais très concrètement qu'il allait au Nicaragua parce qu'il croyait que sa présence était utile, puisqu'il était connu, parce qu'on l'écoutait, etc. Il allait, il était malade. En même temps, il a écrit quelques-uns des contes les plus beaux à la fin de sa vie, qui sont encore inédits en français et qui n'ont rien à voir avec la situation politique. Moi, je crois qu'il était en somme, il était fasciné, donc, comme on a dit, par la marelle, c'est-à-dire, par ce dessin, par cette espèce de structure qui permet d'aller d'un point à un autre. Bon, on peut dire que la révolution est, dans ce sens du terme, une marelle, quelque chose qui permet de sauter et d'aller d'un point, de la terre au ciel ou à l'inverse. Mais enfin, effectivement, ça constitue un système et que ces nouveaux pays, ces nouveaux systèmes politiques sont finalement des structures de conduite et de sociabilité. Je dois dire qu'il était aussi fasciné, il faut le signaler, par le système des traqués. Et là, je souligne ça. Pas simplement par la marelle, mais par la logique des traqués de la marelle. Il était fasciné et là, il m'en a parlé. Un jour, j'étais absolument séduit par son discours de sa trouvaille d'un système, d'une marelle, d'une structure, d'une taxonomie même, inventée par un fou. Et qui est désormais célèbre, qu'il a inclus dans plusieurs de ses livres. Et c'est un fou qu'il a découvert à l'UNESCO, tout simplement qui avait quadrillé le monde en couleurs et qui distribuait les armées, les pouvoirs, les richesses, etc., tout en fonction des couleurs. Par exemple, tout ce qui était rouge d'un côté, tout ce qui était bleu d'un autre côté, les verts, etc. Et donc, ce système détraqué des pensées les fascinait aussi. Et effectivement, il y a donc dans Chronopios et Famas presque, je dirais, les manifestes de ce détraquement, de ce monde qui fonctionne avec une logique imperturbable, mais qui va à la catastrophe. Un plan du métro de Paris en serre dans son squelette mondrianesque. Dans ses branches rouges, jaunes, bleues et noires, une surface vaste mais limitée de tentacules étendues. Et cet arbre est vivant 20 heures sur 24. Une sève tourmentée le parcours à des fins bien précises, celle qui descend à Châtelet ou monte à Vaugirard, celle qui change à l'Odéon pour continuer sur la Motte-Piquet. Les 200, 300, qui sait combien de combinaisons possibles pour chaque cellule codifiée et programmée, s'enfonçant en un secteur de l'arbre et faisant surface en un autre, sortant des galeries Lafayette pour déposer un paquet de serviettes ou une lampe au troisième étage de la rue Gay-Lussac. La règle du jeu était celle-ci. Un sourire dans la vitre et le droit de suivre une femme et d'attendre désespérément que son parcours coïncide avec celui que j'avais choisi avant chaque voyage. Et alors, toujours jusqu'à présent, la voir prendre un autre couloir et ne pas pouvoir la suivre, obligée de revenir au monde d'en haut, entrer dans un café et continuer de vivre jusqu'à ce que peu à peu, heure, jour ou semaine, la soif réclame à nouveau que tout puisse, une fois coïncider, femme et vitre, sourire accepté ou refusé, correspondance de métro, et alors, enfin oui, alors de droit de m'approcher et de dire le premier mot, lourd de temps suspendu, d'interminable errance au fond du puits parmi les araignées de la crampe. Hubert Juin, vous avez déjà joué au jeu du métro avec Julio Cortázar ? Non, j'ai jamais joué au jeu du métro. J'ai déjà dit que j'avais joué au jeu de la marelle. Mais ce jeu du métro me plaît infiniment et surtout me donne un rapport avec cette fascination du quotidien qui était enfin, celle de Julio Cortázar. Julio Cortázar allait parfois dans des bistrots, c'était plus rare, mais c'était pas comme moi. Mais il avait imaginé ce sorte de plan de Paris, cette marelle générale qui se transforme en un jeu. Et c'est vrai qu'il est de Buenos Aires, comme on l'a dit, et pas de la grande plaine argentine. À ce moment-là, il est évident qu'il essaye de domestiquer la ville par ce jeu. Il en est à la fois le chasseur et le gibier. Il y a quelque chose de pathétique dans cette quête du genou de la femme dans un métro. Ou du visage dans la vitre. C'est très significatif pour moi. C'est ça peut-être l'humanité de Julio Cortázar. On a parlé de son désécrire. Oui, c'est une notion à laquelle je crois, bien sûr. Mais se désécrire, c'est aussi une façon de s'insérer dans la vie des autres. En tout cas, de vivre avec les autres. Et on oublie trop souvent que écrire, c'est aussi une forme d'appel vers les autres. On écrit pour les autres, mais en réalité, on écrit pour appeler les autres. Vous savez, écrire, c'est un peu help. Elle ne descendit pas à Saint-Placide. Je le suis avant même que le train ralentisse. Il y a ces préparatifs du voyageur, les femmes surtout, qui vérifient nerveusement leurs paquets, serrant leur manteau autour d'elles et détournent le regard en se levant, évitant les genoux à cet instant où le freinage entrave et étourdit les corps. Anna repassait vaguement les publicités de la station. Le visage de Marguerite s'effaça peu à peu sous les lumières du quai. Et je ne pus savoir si elle m'avait de nouveau regardé. Mon reflet non plus n'aurait pas été visible dans cette marée de néons et d'affiches, de corps entrant et sortant. Si Anna descendait à Montparnasse bienvenue, mes espoirs étaient minces. Je ne croyais pas, avec ce que vous venez de dire, que par exemple le fait du puzzle, c'est-à-dire les doubles lectures possibles d'abord de Marelle, ensuite alors la lecture complètement éclatée et ouverte du second, et ensuite cette plaidoirie finalement pour une liberté marginale, enfin, qui est le livre de Manuel, est-ce que ce n'est pas l'énorme ouverture que tente Cortázar justement vers la liberté du lecteur par rapport à cette autre forme de dictature, que serait la littérature, enfin, celle qu'il faudrait la suivre si on suivait ses balises, justement. C'est sûr, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'en filigrane, ça commence dans Marelle, et ça devient très net dans le livre de Manuel, il y a toujours un personnage d'écrivain qui n'en peut plus des lois, des contraintes et de son propre sérieux. Et c'est frappant que Morelli, l'écrivain, qui est une grande personnalité, un maître, comme on dirait aujourd'hui, dans Marelle, devient un bafouilleur dans le livre de Manuel, devient qui tu sais, il n'a même pas de nom, et essaye de rassembler tous les bouts de conversation, toute l'enquête, des bouts de dialogue, les problèmes de chacun, car au fond, ce groupe de garçons et de femmes qui préparent un attentat ont chacun un roman personnel, qui un bébé, qui des fantasmes, qui un échec sexuel, qui une impuissance. Et alors, l'écrivain, devant tout ça, comment jouerait-il à Dieu ? C'est la fin d'un écrivain Dieu et d'un écrivain qui est au fond un camarade du groupe qui est beaucoup plus important que le livre. Et on sent chez Cortázar l'idée que la littérature, allons, ne plaisantons pas, l'originalité n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est d'être un groupe, c'est d'agir ensemble, c'est de s'aimer, c'est de faire éclater les injustices, mais ensemble. Et peu importe qui a dit cela, peu importe d'être plus grand que l'autre, les petits sont comme les grands. Une sorte d'égalité que j'aime beaucoup chez lui et qui me semble tellement anti-française et anti les positions qui nous ont vraiment paralysés pendant des années. Il a été libre par rapport à tout ça. Même acceptant d'écrire des choses mauvaises, cherchant à sortir de la phrase pompeuse. Il a dit une chose qui m'a beaucoup touchée une fois. Il a dit, voilà, pendant des années, j'ai écrit très bien, je le sais. Et puis a commencé le travail pour désécrire. Et c'est le grand art de Cortázar, c'est que finalement, il écrit comme on parle. Et qu'il y a quelque chose de l'oral, c'est-à-dire encore une fois des origines, du commencement, de la parole, de ce qui communique immédiatement, qu'on retrouve dans les derniers textes, c'est extrêmement frappant. Dans le livre de Manuel, c'est une merveilleuse parole orale, presque plus écrite, ce qu'il appelle donc le désécrit. Désécrire, c'est-à-dire fuir la paralysie de la pompe, de la fixation en littérature de ce qui est la vie. Y lo creo cada vez más a medida que sigo escribiendo y sigo teniendo un diálogo. Au fur et à mesure où j'écris, j'ai un dialogue avec le lecteur qui peut être personnel ou épistolaire et qui peut arriver par n'importe quel chemin. L'importance du lecteur, l'importance du lecteur par rapport cada vez à l'auteur me semble chaque fois plus importante. En la Je donne une anecdote. Cela fait deux ans. Estuve en un congreso de escritores en Montreal, d'écrivains à Montréal, cuyo tema et le thème el escritor était el l'écrivain et le lecteur. Yo leí una comunicación Moi, j'ai lu une communication qui s'appelle Le lecteur et l'auteur. C'est-à-dire que j'ai inversé le titre du colloque. Considerar que existe un prejuicio parce qu'il existe un préjugé qui fait que l'écrivain a un privilège. Il est sur un piédestal au-dessus du lecteur. On parle beaucoup de l'auteur, mais peu du lecteur. Tous les critiques parlent du boom, parlent de García Márquez, de Vargas Llosa, de moi. On fait beaucoup de biographies sur eux. On les considère comme des dieux, comme des murs. Ce sont les personnes importantes. Mais il y a des millions d'hommes qui sont analphabètes, qui n'ont pas atteint le niveau de lecteur et on ne fait rien pour eux. Et d'eux, on n'en parle jamais, ou peu. Je crois qu'il faut inverser les termes. En réalité, l'auteur, il s'arrange lui-même. Tout est être auteur, c'est une fatalité. Moi, je n'ai pas à me vanter d'être auteur. Je suis auteur parce que j'en ai eu envie, pour retourner à l'activité ludique, parce que j'avais envie de jouer à l'auteur. Llegar a ser un lector exige Mais una être un lecteur, ça exige medios, une société qui vous donne les moyens, qui vous donne les possibilités économiques pour être lecteur. Et dans ma lutte idéologique, je m'en fiche des auteurs. Ce qui m'intéresse sont les lecteurs. Et la bataille, il faut la gagner pour eux. Vous savez, il était traducteur international, c'est-à-dire parfois il travaillait pour Interpol, parfois il travaillait pour des services de l'UNESCO. Enfin bon, il était vraiment plurilingue et c'était aussi une façon pour lui de vivre, que d'assumer ses fonctions de traducteur. Alors il explique que ses fonctions de traducteur, justement, lui donnent accès à des ministères. Alors lui, seul dans la ville, il peut rentrer la nuit dans les ministères. Alors il est en Norvège ou quelque chose comme ça. Alors il rentre dans le ministère, puis il erre dans les bureaux, personne ne me demande rien. C'est absolument extraordinaire, il y a tous les secrets d'État, ça appartient aux gens, les gens ne peuvent pas y rentrer, mais oui, je me promène là-dedans. Alors il tombe sur un paquet de fiches, vierges, dans un bureau. Alors il prend des fiches et il dessine sur 5 ou 6 fiches, chaque fois un labyrinthe. Différent. Et puis, il reclasse ça parmi les fiches, au hasard. Et alors, il se dit, quelques années, on va faire une enquête, n'est-ce pas, de police internationale pour qu'est-ce que c'est que ce secret d'État. Oui, machine électronique, va répondre à quelque chose, absolument. Mais il avait un magnétisme pour l'incongru. Absolument. Ce qui n'arrive à personne au monde, à personne qui était inconcevable, ça lui arrivait. Et par exemple, ça, il me l'a raconté lui-même, donc c'est tout à fait vrai, une tuile, mais au sens littéral du terme, pas métaphorique, comme on dit en français, une tuile lui est tombée sur la tête, tout simplement, des choses comme ça, et tout ce qui était bizarre lui arrivait. Conduite des miroirs dans l'île de Pâques. Lorsqu'on met un miroir à l'ouest de l'île de Pâques, il retarde. Lorsqu'on met un miroir à l'est de l'île de Pâques, il avance. Moyennant de subtils calculs, on pourrait trouver le point où ce miroir serait à l'heure. Mais rien ne dit que ce point serait le même pour tous les miroirs, d'autant qu'ils sont affectés de compositions différentes et réagissent selon leur bon plaisir. Ainsi, Salomon Lemos, l'anthropologue boursier de la Fondation Guggenheim, se vit lui-même frappé du typhus en se rasant devant son miroir, cela à l'est de l'île. Et au même instant, un petit miroir qu'il avait oublié à l'ouest réfléchissait pour personne, il avait été jeté au milieu des pierres. Salomon Lemos en culotte courte sur le chemin de l'école. Puis Salomon Lemos tout nu, dans une petite baignoire, et savonnait avec enthousiasme par son papa et sa maman. Puis Salomon Lemos, disant un « areux, areux » dans une ferme du côté de Trenquelauquen, pour la plus grande émotion de sa tante Teresita. Toute sa littérature est un aller-retour à travers un miroir, c'est-à-dire il traverse le miroir, va de l'autre côté et revient. L'essentiel de sa littérature, me semble, c'est, je crois que c'est très important et il appartient donc à ce genre d'écrivain qui, croyant ou ne croyant pas, croit dans une réalité du monde qui n'est pas visible, que nous n'avons pas vue encore. Il a le pouvoir, comme certains de ses écrivains, de modifier la réalité autour de lui. En tout cas, effectivement, le sujet du livre, le sujet du roman, et comme je dis, qui ne se trouve pas du tout dans le texte, dans ce qu'on voit, se trouve dans une zone, je ne sais pas si elle est derrière le miroir ou non, que j'appellerais l'infrarouge ou l'ultraviolet du textuel. Ça se passe toujours dans ces bords, et ces bords, nous ne les voyons pas. Bien à quel point Charlie Parker m'est cher. Si vous avez lu une nouvelle de moi qui s'appelle L'homme à l'affût, dont il est le héros avec un nom déguisé. Donc j'ai plus rien à ajouter. Thank you. Laure Bataillon, je crois que vous aviez aussi un document à nous lire. C'est un texte qui est dû à un journaliste argentin. Oui, à un ami de Cortázar, Carlos Gabetta. Et c'est un événement, peut-être le dernier événement majeur de la vie de Julio, puisqu'il se passe deux mois avant sa mort, et qui me paraît capital, surtout de la part d'un pays qui lui a refusé, même à l'ultime moment, et même revenu à la démocratie, une reconnaissance officielle. Mais vous allez voir comme le peuple de Buenos Aires s'est vengé. Donc, deux mois avant sa mort, Julio a, par une espèce d'instinct, sans doute, a éprouvé le besoin de faire un saut, comme il me disait, à Buenos Aires. Et puis, un soir, il est allé au cinéma. À la sortie de ce film, il a rencontré, par hasard, Carlos Gabetta. Et voilà ce qui leur est arrivé. Raconte Gabetta. Soudain déboucha près de nous une manifestation pour les droits de l'homme. Un millier de personnes environ, jeunes pour la plupart, très jeunes même. Parmi eux, un photographe soudain reconnaît Julio et crie « Cortázar est là !» En un clin d'œil, il n'y eut plus de manifestation, mais un joyeux tumulte autour de lui. « Tu reviens pour toujours, Julio ?» lui demandait-on. « Merci, Julio, merci pour tout !» lui criaient des gosses de 17 ans. « On est des chronopes !» disaient d'autres, moins jeunes, et encore. « Oliveira, c'est moi !»« Yo la maga !» et bien d'autres cris du cœur que je n'ai pas retenus. Les plus malins avaient déjà couru vers les librairies, toujours ouvertes de la rue Corrientes, même en pleine nuit, et revenaient en agitant des livres à bout de bras avec leurs stylos. L'un d'eux se présenta comme le kiosqueur d'en face, et tendit à Julio un livre de Carlos Fuentes pour le lui faire dédicacer en lui disant « Pardon Julio, mais il n'y en avait plus un seul de vous !» Et quand au bout d'un long moment, quelqu'un rappela qu'il fallait bien que la manifestation se remît en marche, un slogan spontané jaillit de toutes les bouches, criait à plein poumon « Bienvenido carajo, bienvenido carajo ». Ça c'est fort difficile à traduire, oui, bon. Quelque chose comme « bienvenue, nom de Dieu en ». Fait. La rue Corrientes était maintenant en ébullition. Sur le trajet entre le cinéma et un bar, à 50 mètres de là où l'attendait Jacques Després, le correspondant du Monde, pour l'interviewer, Julio serra des dizaines de mains, donna des dizaines d'autographes. Son visage fut tatoué de baisers. Sa haute silhouette se détachait au-dessus de la tête des gens qui l'enserraient, le caressaient, le touchaient, comme s'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Jacques Després eut du mal ensuite à l'amener au sujet sur lequel il voulait l'interroger. Julio était très ému, agité. Et voilà encore que surgit près de nous une très jeune fille qui tendit à Julio un bouquet de jasmin, bégaya quelques mots incompréhensibles et disparut aussi vite qu'elle était venue. Julio resta un long moment de tête basse à regarder le bouquet dans ses mains, puis il l'approcha de ses narines et nous le tendit en disant avec ravissement « Sentez ça ». Nul autre part au monde il n'en existe de pareil. Il était 2 heures du matin quand je l'ai raccompagné à son hôtel. Je l'ai quitté sur le pas de la porte. Il était visiblement très fatigué, mais heureux. Et il tenait à la main le bouquet de jasmin. Oui. Julio. Cortázar. Avec la participation de Florence Delay, Laure Guille Bataillon, Severo Sardoui et Hector Bianciotti. Texte lu par Sylvie Mignonneau, Maurice Cuvelier et Jean-Claude Durand. Les propos de Julio Cortázar nous ont été procurés par la section América Latina de Radio France Internationale et par la phonothèque de l'INA. Enregistrement et mixage, Marie-Dominique Bougot, Philippe Bouillette, Yvette Hubeau, Gilles Pessera. Y canta. Mauricio Kagel. Une vie, une œuvre. Julio, Cortázar. Une matinée proposée par Hubert Join, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 décembre 1984. Vous pouvez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site de France Culture à la rubrique « Les nuits de France Culture ». En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Del gauchaje de todo.